Le micro est ouvert, c'est à toi. Le micro est ouvert, c'est à toi. Quoi, moi, je me sens concerné. Bon, des fois, c'est... Parce que bon, souvent, on se dit, par rapport à qui, à quoi. Moi, je dis mon avis, c'est ce que je pense, quoi. Personnellement, moi, ça me touche. Mais oui, mais... Enfin, je sais pas si... Non, mais ça, je suis d'accord, mais c'est le point de vue... Allez, ils disent, par exemple, si... Moi, je veux vous dire que... Bon, on dit... Non, en fait, moi, je voudrais poser la question... Mais, du coup... Moi, je pense que... Donc, Mais non, en fait, mais c'est vrai que c'est... Disons que... Et que voilà, quoi. Et je me dis que... Moi, je pense bêtement... Mais alors, j'en suis pas si sûr. Bah, ça dépend, enfin... Moi, je trouve, personnellement, moi, je suis... Je crois quand même que... Mais non, mais enfin, tout le monde... Non, disons... Enfin, je veux dire... Moi, je trouve... Je suis pas tellement d'accord à ce moment-là. Enfin, j'hésite entre les deux parce que d'un côté... Il y a éducation populaire, éducation nationale, éducation à l'environnement, éducation physique et sportive, éducation artistique, éducation aux médias, éducation thérapeutique, éducation familiale. Et j'ai envie de rajouter éducation canine. Ben oui, dans notre société, les chiens ont aussi des endroits pour être éduqués, se tenir bien, au pied. Pas bougeux, non, assis. Toujours avec les chiens, j'en ai vu avec des nœuds papillons dans les poils, j'en ai vu avec des petits manteaux, des bonnets, j'en ai vu avec des bottes tricotées main aux pattes, j'ai vu des chiens sortir des sacs à main. Il y a même des magasins dédiés spécialement pour les chiens, mais aussi pour les chats, oiseaux, souris, tigres, éléphants. Non, là j'invente, je me marre. Toujours avec les chiens, si ton kleps il est déprimé, il fait pipi à l'intérieur de la maison systématiquement sur la télévision, genre il fait une fixation, eh bien il existe des psychologues pour chiens. Qu'est-ce qu'un chien bien éduqué? Un chien bien éduqué est un chien qui fait la vaisselle, qui ne parle pas, qui ne saute pas sur les gens pour montrer qu'il est content. C'est sûr, le chien est le meilleur ami de l'homme, mais en même temps, ne sait-il pas laisser avoir? Et sa nature de chien, alors? Encore avec les chiens, d'ailleurs, il y a un film comme ça, un chien blanc, qui est éduqué à attaquer systématiquement les gens noirs. Ben voilà, un chien raciste, quoi. Ben ouais, il y a moyen. Ouais, c'est pas si facile de parler, hein. C'est pas si évident que ça de prendre la parole comme ça devant tout le monde, de prendre déjà la parole tout court. Bah oui, de prendre la parole avec soi-même déjà, d'avoir une pensée, de penser les choses, puis ensuite, waouh, les faire partager, hein, le pas de « je pense quelque chose, mais est-ce que je vais arriver à pouvoir le formuler comme je l'ai à l'intérieur de moi-même » pas évident, pas évident. Et donc, c'est ça l'exercice demandé à une classe de futurs éducateurs, éducatrices. Et la question posée est « qu'est-ce que l'éducation ?» Go ! L'éducation. L'éducation est très importante dans la société de tous les jours. Le respect, les bonnes manières, l'écoute, l'organisation, l'autonomie. Tous ces mots qui définissent en large le mot éducation. Et ce n'est que quelques exemples. Et ce n'est que. Je vais recommencer, alors. Si tu veux. L'éducation. L'éducation est très importante dans la société de tous les jours. Le respect, les bonnes manières, l'écoute, l'organisation, l'autonomie. Tous ces mots qui définissent en large le mot éducation, et ce n'est que quelques exemples. Comment reflétons-nous le mot éducation ? Par la manière de se comporter, l'image que nous donnons aux autres, la façon dont nous transmettons à notre tour l'éducation, à nos enfants, dans notre travail, dans notre vie de tous les jours, en société. Merci pour cette... comment on dit ? Interview. C'est ce que tu viens de lire, là. Mais l'exemple, enfin, ce que je ressens par rapport au mot éducation. Voilà. mais comment on pourrait appeler ça pour cette petite théorie quoi ? Ce serait quoi ? Que le mot éducation parle pour moi. Ouais. C'est que le mot éducation parle pour Thierry. Comment ça se fait que tu as envie d'être éducateur ? Parce qu'on est quand même dans une école d'éducateurs. C'est ça qui va se passer une fois que... Je suis toujours ennuyée avec le fait de tutoyer ou de vous voyer. Et je dis, c'est pas parce que je tutoie que t'es mon ami, quoi. Hein. J'ai vraiment des difficultés à faire vous. Donc, une fois que vous sortez de l'école, vous avez votre papier. Ça y est, vous êtes... De cette école, oui. Vous avez votre papier d'éducateur. Pourquoi avoir choisi le métier d'éducateur ? Ben justement, par mon expérience de vie et aussi par un manque quelque part par rapport à mes enfants, que je n'ai pas eu tous les jours à les élever à la vie, j'ai envie de transmettre à d'autres enfants maintenant, parce qu'ils sont grands maintenant et j'en ai encore deux petits, mais malgré tout, j'ai envie de fonctionner avec d'autres personnes, des personnes aussi adultes, des personnes, des enfants, à justement éduquer, à élever à la vie par mon expérience de vie. C'est quelque chose que vous aimez bien, quoi. L'éducation, éducateur, ça, plus que la musique, la cuisine, ou je ne sais pas, pour donner d'autres... bien que tout ça fasse partie quand même de la vie. Tout à fait. J'aime le social, donc j'aime le contact avec les gens. J'aime savoir quand ils vont bien, quand ils ne vont pas bien, les aider, etc. Et j'aime participer à leur vie, tout simplement, et pouvoir les aider si je sais le faire, si je peux le faire. Okay. C'est comme une œuvre altruiste, un peu. Je ne sais pas, peut-être, oui. C'est pas comme un mouvement politique. Non. Rien à voir. C'est vraiment aller à l'aide de mon prochain, quoi. Enfin, vraiment aider les autres. Vraiment. C'est un besoin que j'ai. Ça fait un peu caritatif, là. Hein. Eh bien, ça ne fait pas Mère Teresa, pas du tout. Donc, je veux dire simplement, j'ai vraiment envie d'aider. J'ai vraiment envie d'aller à l'encontre de mon prochain, aller vers les gens, et justement pour mieux les comprendre, mieux comprendre la société, etc. Et c'est en les côtoyant, en les aidant, en les écoutant, qu'on peut comprendre mieux aussi la société, tout simplement. C'est clair. Et de toute façon, là, voilà, c'est ça aussi que je pourrais me poser comme question. Soit on fait un entretien individuel, parce que du moins, on prend le temps de développer. Moi, ça m'intéresse. Mais en classe, on ne peut pas, parce qu'il y a plein d'autres étudiants qui doivent passer. Mais oui, c'est intéressant comme manière de faire. Donc aider, ça veut dire que la personne elle demande d'office de l'aide dans votre cas de figure. Mais tout simplement, en premier abord, elle peut évidemment ne pas demander de l'aide immédiatement. C'est en parlant avec les personnes que quelque part on trouve un besoin chez elles, en se disant, ben, en discutant, et blablabla, bla bla, et on peut trouver les moyens et se donner les moyens avec cette personne justement de les aider, pour eux évoluer en discutant simplement avec elles. Allez. Ben, en grandissant et en avançant dans la vie, ben, tu apprends comment chaque être humain fonctionne. Tu prends de la maturité, donc tu comprends mieux le pour et le contre. Donc avec ça, tu peux conseiller sans le juger. Un éducateur doit être simplement polyvalent. Avec l'expérience, tu peux canaliser une personne avec la parole. On peut nous appeler les apôtres. On tend notre main vers une personne en sécurité en lui-même et en son esprit. Voilà. Ah oui, j'ai entendu le mot apôtre, là. Vous avez entendu aussi ? De nouveau, un peu... T'as une éducation religieuse, Kenny ? Non, on peut pas dire ça comme ça, mais... On peut appeler que voilà, Dieu avait des apôtres, il avait toujours des gens à accompagner, et c'est ceux qui les... Voilà, c'est comme ça. T'es un apôtre de Dieu, là. Voilà, on peut appeler ça comme ça. Bah ouais, de toute façon, on est dans une société judéo-chrétienne, hein, on a tous reçu plus ou moins, hein, on voit c'est qui Dieu, les apôtres et compagnie, quoi. Mais donc, la question, pourquoi, Kenny, tu veux être éducateur ? Pour mettre en sécurité donc, les autres personnes qui sont en plus grande difficulté, avec mon vécu aussi, j'ai pu voir le bien et le contre, et le mal, on peut dire. Donc voilà, je sais quoi. Voilà. Tu sais tout, là ? Je sais pas tout, mais c'est juste que, voilà, c'est que j'apprendrai, mais en voyant, tu apprends, comme on dit. Donc voilà. C'est bien. Quelqu'un a une question à poser à Kenny ? Quelque chose à rajouter spontanément ? Non. Ah, merci à toi. Pour moi, l'éducation, c'est comme mes parents qui, depuis ma naissance jusqu'à l'heure actuelle, m'ont éduqué, en m'apprenant le respect des autres et les bonnes manières. Donc, je voudrais en faire autant avec les autres. Pour moi, les bonnes manières, c'est le respect des autres, l'écoute, la gentillesse, expliquer aux autres lorsqu'ils ne comprennent pas et être là pour les aider. Pour moi, l'éducation, c'est comme mes parents qui, depuis ma naissance jusqu'à l'heure actuelle, m'ont éduqué en m'apprenant le respect des autres et les bonnes manières. Donc, je voudrais en faire autant avec les autres. Pour moi, les bonnes manières, c'est le respect des autres, l'écoute, la gentillesse, expliquer aux autres lorsqu'ils ne comprennent pas et être là pour les aider. Quelqu'un a une réaction, envie de dire quelque chose ? Est-ce que c'est très clair tout ce qui s'est dit ? Oui, non ? Donc, si je réécoute un peu votre exposé, là, votre mini-exposé, non, ce n'est pas un exposé, hein, sur le sens qu'a pour vous le mot « éducation », de nouveau, on repart un peu avec quelque chose d'altruiste, on fait le bien. Je pense qu'en tant qu'éducateur, on est là pour faire le bien, surtout pour aider les personnes, comme vous avez dit tantôt, qui étaient en dessous du seuil de pauvreté, je vais dire, et qu'ils ont beaucoup de difficultés pour être dirigés dans les bons services. Mais encore une fois, parce que ça c'était hors micro, le bien, définition du bien, de votre bien et du mien, voilà, c'est pas forcément... Mais c'est marrant, hein, moi je découvre aussi, quoi, c'est quand même... La troisième personne qui vient un peu parler du sens du mot éducation, c'est quand même quelque chose de faire le bien, quoi. La personne avant parlait de apôtre, la personne d'avant, j'ai pas retenu, mais c'est quand même quelque chose de... Ouais, c'est rigolo, quoi. Disons que moi, j'ai déjà travaillé quand même 12 ans avec des personnes handicapées, et c'est vrai que là, on voit qu'il y a beaucoup de problèmes vis-à-vis de leurs parents. Les parents ne comprennent pas toujours les problèmes de leurs enfants. Enfin, leurs enfants, même en tant qu'adultes, on les considère encore comme des enfants. Les parents les considèrent comme des enfants. Donc on était là souvent pour régler même des problèmes entre les parents et les adultes considérés comme enfants. Dans un rôle de médiation alors, plus. Bien sûr, oui, tout à fait. Et donc la question, rappelle-moi ton prénom. Dominique. Dominique, c'est pourquoi être éducateur ? Du fait que j'ai déjà travaillé là-dedans, je voudrais continuer à le faire. Parce que c'est un boulot qui me plaisait bien. Et qu'est-ce qui te plaisait bien là-dedans, au bout du bout ? Le contact avec ces gens, avec ces personnes-là. Que moi, je ne considère pas pour plus handicapés qu'elles ne le sont. Déjà, moi, ayant eu un problème étant plus jeune, et j'ai vu les difficultés que mes parents ont eues pour régler ce problème. Quoi. Ah oui, donc c'est éducateur et c'est spécifiquement éducateur avec les personnes handicapées, quoi. Moi, c'est un truc qui me plairait bien, oui, tout à fait. Et c'est justement là-dedans que je voudrais bien me lancer. Mais maintenant, on verra l'autopsie, ce qui va se passer. Quelque chose à rajouter spontanément ? J'espère réussir et avoir mon diplôme. Bah, j'espère aussi. Merci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10. L'éducation. Pour moi, l'éducation est primordiale pour les personnes. Leur apprendre leurs limites, le respect des autres, la politesse. C'est que c'est une chose qui va leur marquer, leur suivre toute leur vie. Grâce à l'éducation, on va apprendre des choses de la vie. L'autonomie, par exemple, savoir écouter les autres. En conclusion, l'éducation, pour moi, est un savoir-vivre, seul ou en groupe. Ce qui est essentiel dans leur vie. Ok. Donc, je retiens la dernière phrase. L'éducation, c'est savoir vivre seul ou en groupe. Oui. Tu as un exemple de choses comme ça que... Mais par exemple, en classe, la moindre des choses, lever la main. Quand quelqu'un parle, écouter. Manger des chips. Manger des chips, oui, comme certains. Proposer aux autres s'ils n'en veulent pas. Et voilà, pour moi, c'est un savoir-vivre, c'est tout le monde ensemble et on se respecte l'un l'autre par rapport à certaines choses, religion, écouter les autres, et voilà. Accepter la différence, quoi. Oui, voilà, tout à fait. Et donc on pourrait se dire que c'est dans l'éducation qu'on peut apprendre ça, tiens, j'éduque pour accepter la différence, par exemple, c'est ça ? Oui, tout à fait. Bon, Thomas, toi, voilà, une fois que tu as fini ici, tu es éducateur, c'est génial. Pourquoi éducateur ? Pourquoi pas boulanger ? Pourquoi pas businessman ? Pourquoi pas, tu vois, l'argent, quoi, c'est quand même... Ah, l'argent, avoir plein d'argent, t'as pas envie d'avoir plein d'argent ? Parce que le boulot d'éduc, paraît-il, c'est pas un métier où on gagne beaucoup d'argent. Hein. Bah, c'est vrai que maintenant, l'argent, c'est essentiel dans la vie, mais pour moi, c'est pas une priorité. Voilà pourquoi éducateur. J'ai toujours aimé avoir le contact avec les autres, l'aider en cas de besoin et tout ça. Et c'est une chose, depuis que je suis tout petit, je trouve ça essentiel. Et de venir en aide à quelqu'un, essayer de résoudre leurs problèmes et leur apprendre certaines choses de la vie, comme l'autonomie ou... des choses comme ça, voilà. Mais bon, le métier d'éducateur, c'est vaste, ça peut être avec des personnes atteintes d'un handicap, personnes âgées ou l'aide à la jeunesse, avec des jeunes. Bon, pour moi, je me vois plus avec des enfants placés par le juge. Merci à toi. Quelque chose à rajouter spontanément là-dessus ? Sur tout ça ? Non, pour moi, l'éducateur, c'est un chouette métier. J'espère réussir à avoir mon diplôme. Pour moi, l'éducation, c'est la base de la vie. Elle commence dès le bas âge. C'est apprendre à respecter les autres, savoir vivre en communauté. C'est aussi écouter les autres, partager nos savoirs, aller à la rencontre de l'autre. C'est aussi dire ce qu'on pense tout en restant poli. Trouver le juste milieu. En effet, l'éducation, c'est répondre à certaines normes de la société. C'est vrai ça, l'éducation, c'est répondre à une certaine norme de la société. Et t'as pas un exemple concret, là, pour qu'on comprenne bien ? Comment c'est ton prénom ? Dania. Enchantée, hein, Dania. C'est vrai, ça ? Oui, enfin, j'ai peut-être un exemple. Enfin, savoir, quand il faut prendre la parole, peut-être il faut se lever la main, pour ne pas interrompre l'autre qui parle. Enfin, ça peut être mal vu. Ça peut être mal vu de ne pas lever la main et de parler comme ça, par exemple. C'est ça que tu veux dire ? Ouais, peut-être ça peut faire un bouillard, tout le monde qui parle ensemble. Hein, c'est un manque de respect pour la personne qui parlait avant. C'est juste. Ouais, l'éducation aussi, c'est clair que ça, c'est... Ce qui est bien pour moi n'est pas forcément bien pour vous, pour toi, pour les autres, quoi. Oui, tout à fait. Ok, et alors en sortant d'ici, c'est génial, quoi. Tu vas pouvoir être éducatrice. Oh, oui, je l'espère en tout cas. Et pourquoi éducatrice, pourquoi pas pourquoi éduque ? Ben, éduque parce que j'aime tout ce qui est social, qui fait partie du milieu social. C'est aussi pour la diversité. Je m'ennuie vite. Je me suis dit, en étant éducatrice spécialisée, je peux faire beaucoup de choses à la fois. Tu veux dire que tu peux être éduque dans plein de domaines différents, quoi, ouais. Avec les petits, les grands, les moyens. Oui, tout à fait. Voilà. Si ça ne me plaise pas dans tel domaine, je peux aller dans un autre et c'est pour ça. Bah, je te souhaite plein de bonne chance alors. D'accord, merci. Merci à toi. Pour moi, l'éducation, c'est avoir du respect envers tes collègues de travail dans la vie de tous les jours. Être à l'écoute, c'est apporter de l'attention à ce qui est dit, tout en prenant le temps d'en discuter ensemble pour mieux apprendre à se connaître. Apprendre à savoir vivre en société. Eh bien, c'est pas mal, hein. Apprendre à savoir vivre en société. C'est clair que l'éducation, c'est une bonne idée, quoi. Hein. L'éducation, vivre en société, comment est-ce qu'il faut vivre en société, ça pose des questions, quoi. Oui, c'est vrai, parce que j'ai eu l'expérience de vivre 2 semaines, 24 heures sur 24, avec les mêmes personnes, et ça n'a pas été très évident, mais ça m'a apporté quelque chose... Et j'ai un bon souvenir de cette expérience-là, donc voilà. Quoi, c'était un jeu, c'était... Explique dans quelques mots, c'est intéressant, là. T'as été obligée de vivre 24 heures sur 24 ? Pendant 2 semaines ? Oui. On a fait un projet international à l'étranger, et j'ai dû vivre 24 heures sur 24 pendant 2 semaines, avec que des jeunes et 2 éducateurs. Et c'était pas... très évident, mais bon, j'y suis arrivée et ça s'est bien passé. Mais c'était quoi l'objectif ? C'était de faire une rencontre avec des jeunes Tunisiens et faire connaissance avec eux et passer 2 semaines là-bas, quoi, en Tunisie. Ouais, mais le but du jeu, c'était pas de vivre 24 heures sur 24, c'était de rencontrer les Tunisiens et vous, les Belges, par exemple. C'est ça, l'objectif. Oui, voilà. C'était ça, l'objectif, en fait. C'était basé sur la rencontre interculturelle entre les Belges et les Tunisiens. Parce que c'est rigolo, comme tu parlais au début, ça fait comme si on vous avait mis dans une boîte 24 heures sur 24. Et c'était ça l'expérience, quoi. Réussir à vivre non-stop, tu vois, c'est rigolo. Donc c'est important dans la communication de bien se comprendre aussi, ça fait partie du jeu, quoi. Tu vois ? T'as une idée, je comprends pas, je te pose la question, puis du coup c'est un peu plus clair. Donc voilà, Justine, demain tu es éducatrice, super, félicitations. Et comment ça se fait ? Pourquoi ce métier ? Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans ? Qu'est-ce qui t'attire là-dedans ? Bah, j'aime bien être entourée de jeunes ou de personnes âgées et de pouvoir passer du temps avec eux. Et moi, c'est ça que je recherche depuis longtemps. 1951 ? Non, j'étais pas encore née. c'est vraiment ce que je recherche, c'est le métier d'éducateur. Et j'ai essayé puricultrice, ça n'a pas fonctionné, donc je me suis dit peut-être qu'éducateur, ça fonctionnerait. Ouais. Et qu'est-ce qui n'a pas marché dans la puriculture ? La cuisine. C'est mon faible, enfin c'est un de mes points faibles, la cuisine. Donc, c'est pour ça que j'ai raté mon année, juste à cause du cours de cuisine. Quoi, parce que tu sais pas cuisiner du tout, c'est ça ? C'est vrai. Ouais, c'est à cause de ça que j'ai raté mon année, parce que sinon, toutes les autres matières, j'avais réussi, et c'est ce cours-là qui a fait que j'ai tout raté. Quoi, par exemple, tu savais pas faire quoi exactement en cuisine ? Parce que éplucher les patates, mettre des pâtes, faire de la purée, enfin, je sais pas, couper des carottes. Tu mettais trop de sel ou trop de poivre ? Essaye d'un peu qu'on comprenne. Non, mais j'ai foiré l'examen de fin d'année, et donc, voilà. C'était quoi l'examen de fin d'année ? Ah, vous m'en demandez beaucoup, là. Parce que c'était cuisine que t'as raté. T'as raté quoi en cuisine en fin d'année ? Ok. Merci, Justine. Merci à toi. C'est quoi pour moi l'éducation ? L'éducation fait partie d'un grand nombre de personnes, parents, enseignants, éducateurs et tout ça. Ces gens sont là pour apprendre certaines règles de vie, certaines valeurs. Voilà ce que je pense. Donc ces gens sont là, donc les personnes éducateurs, parents, sont là pour apprendre certaines valeurs aux enfants, ou... c'est ça que tu veux dire ? Certaines règles de vie ou certaines valeurs, ça rassemble un grand nombre de choses, quoi. Comme on a déjà entendu tout à l'heure, dans les règles de vie, ben, il y a le respect, la politesse, certaines manières que nos parents nous-mêmes nous apprennent. Et voilà. Que les parents nous apprennent et puis qu'on a envie d'apprendre aux autres. Et c'est pour ça, et de retransmettre. Et c'est également pour, aussi bien pour les enseignants. C'est pareil, ils nous accompagnent dans une certaine partie de notre vie, quoi. Et voilà. En tout cas, ce qui est génial avec les enseignants, c'est que vous apprennent à lire, à écrire. Ça, c'est fabuleux, ça. Après, moi, ça, je trouve génial, quoi. Du coup, vous pouvez être autonome, choisir des bouquins. Ça, c'est chouette. Bon, Isabelle, demain, tu es éduc. C'est génial, félicitations. Bravo, vous avez cartonné une grande 10, quoi, sous vos airs un peu de timide, là. Hein. Et du coup... Pourquoi éducatrice ? Pourquoi éducatrice ? Dans mon cas, ce serait... Tu aurais pu être chauffagiste, tu aurais pu être quoi d'autre ? Boulanger, mes parents. Boulanger ? Ah ben voilà, tes parents étaient boulangers, pourquoi t'as pas fait boulangerie non plus ? Parce qu'à cet âge-là, j'étais pas prête à reprendre la boulangerie, c'était pas possible. Et pourquoi être éducateur ? Parce que je pense être... Comment expliquer ? Oh là là, mon petit cœur, là, c'est bloqué, là. Ouais, pourquoi être éduc ? Genre, tu sens que t'as ça à l'intérieur de toi, que tu vas... capable d'écouter certaines personnes parce qu'il y a une dizaine d'années, j'ai travaillé j'ai fait un stage dans un centre d'adolescents. Je suis capable d'écouter par mon... Du fait que je suis quelqu'un de très silencieuse ou quoi, je suis capable de me permettre d'écouter les autres et tout ça. Et d'être quand quelqu'un nous écoute, c'est quelque chose d'important, quoi. Et quand dans la société qu'on est pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de monde qui se permette de s'arrêter pour écouter vraiment ce que les autres ont envie de dire, quoi. Merci à toi. Merci. Au revoir. Mais dans la classe, il y avait un prof. Et il est là. Oui, c'était moi. Il y avait un prof et moi, ce que j'ai entendu, c'est beaucoup d'étudiants qui parlaient de l'éducation. À mon sens, qui parlait de l'éducation comme l'éducation dans la société, l'éducation, les parents éduquent leurs enfants, l'éducation. Et par rapport à ce que j'ai entendu dans d'autres classes, je n'ai pas eu l'impression d'entendre parler de l'éducation des éducateurs spécialisés, ici, aujourd'hui. Oui, tu n'as pas eu l'impression d'entendre l'éducation spécialisée ici dans la classe? Par rapport à d'autres classes. L'éducation au sens général, l'éducation, la transmission aux jeunes générations, mais ce n'était pas l'éducation spécialisée. Mais je me dis que c'est peut-être normal puisqu'on est en préformation aussi. Oui, puis surtout, moi, ce que j'avais proposé, c'est de réfléchir sur le mot éducation et pouvait aller dans toutes les directions qu'il voulait, quoi. Donc, ce n'était pas non plus éducateur spécialisé. Est-ce que tu peux dire c'est quoi la distinction comme ça, puisqu'on est dans une classe qui est en préformation, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore occupés. C'est quoi la différence d'ailleurs? Entre quoi et quoi? La préformation par exemple, parce que tu as l'air de dire que tout le monde a donné une définition de l'éducation au sens général, et que c'est quoi la différence par exemple? Ah ben je ne sais pas, mais je verrais une différence entre l'éducation au sens large, la transmission aux jeunes générations, le rôle des parents par rapport à leurs enfants, et en revanche, de l'éducation spécialisée, je verrais comme un travail, une intervention qu'un éducateur fait pour aider des personnes en difficulté. Mais je cherche aussi la question. Mais je sais que quand je demande le même exercice de parler de l'éducation à des étudiants qui sont en deuxième ou troisième année, rarement ils vont parler des valeurs de respect, d'aide aux personnes. Ils vont plutôt parler d'intervention, d'action éducative qu'ils vont mener dans leur stage. C'est ça qui m'a frappé aujourd'hui. C'est sûr, mais en même temps, est-ce que ça ne veut pas dire quand même la même chose? C'est une question, hein, on réfléchit ensemble. Est-ce que ce n'est pas quand même la même chose que la classe nous parle des valeurs, de la transmission, et puis du coup, on devient éducateur spécialisé? C'est quand même des valeurs et des idées qu'on va travailler avec des jeunes ou des personnes handicapées. Comprends? Oui, mais je pense que les mêmes valeurs sont là, sont présentes. C'est au niveau de la forme que ça m'a frappé. J'ai vu une différence par rapport à d'autres étudiants. Je vois dans le miroir les hommes de pouvoir, qui n'ont plus le respect des valeurs qui sont vraies. Ils sont si arrogants et parfois méprisants. Le pouvoir de l'argent transforme trop de gens. Il leur fait oublier que l'on peut exister et vivre simplement avec très peu d'argent. Travailler une vie, retenir ses envies, élever ses enfants, vivre modestement. De famille bien née, vous êtes héritier de l'argent, des pouvoirs que vous faites valoir. Certaines décisions prises par les nations détruiront des forêts au nom du mot progrès. Disséminer des gens qui vivaient là content, dans un monde de paix et de simplicité. Les hommes de pouvoir oublient dans leur tiroir que parfois un regard est un signe d'égard. Qu'une poignée de main, c'est être un peu humain. Un sourire souvent, un encouragement. Les hommes de pouvoir ne savent plus les voir, les qualités de cœur qui sont les vraies valeurs. Les éducateurs, personne n'en a peur. On est des maîtres seigneurs contre la douleur et la peur. La société veut nous débarrasser, mais on est toujours là pour vous écouter. La société veut nous manipuler, mais t'inquiète pas frère, un jour ça va péter. Ma rime est facile, pas besoin de pile, j'écris tout en quelques lignes. Fais ton chemin, mais t'inquiète pas l'ami, je te tends la main, et si t'as faim, je te tends mon bout de pain. Ton avenir, pense à le construire, ne reste pas martyr, construis ton empire, mais te prends pas cire. Chaque chemin amène à un destin, mais pour ça, faut trouver la clé qui te comptera au péché. Voilà. Selon moi, que l'on soit noir, blanc ou arabe, il n'y a pas de différence. Nous sommes tous faits de sang et d'eau. La seule différence qu'il peut y avoir, c'est que certaines personnes naissent bien nanties et que beaucoup d'autres naissent très pauvres. Aucune couleur ne garantit la réussite. On doit être fier de nos différences, car c'est ce qui fait que l'on est chacun quelqu'un d'unique. Au contraire, nos différences, il ne faut pas les combattre, mais les additionner. Qu'est-ce que l'éducation ? Je crois que l'éducation, c'est apprendre à vivre ensemble et communiquer avec les autres. Communiquer pour pouvoir exprimer ce que l'on ressent, donner son avis, mais aussi laisser à l'autre son moment de parole sans le juger. Il faut accepter que l'on ne soit pas d'accord sur un sujet et ne pas forcément chercher à l'être aussi. L'éducation, c'est aussi apprendre qu'on a des droits, des devoirs, des règles, des limites, et que cela est indispensable pour avoir un cadre de vie stable. L'éducation, c'est apprendre le respect et apprendre à accepter l'autre dans toutes ses différences. L'éducation, c'est apprendre à faire avec les événements de la vie, apprendre de ses propres leçons et en ressortir grandi. En éducation, il y a toujours à apprendre et il faut donc aussi savoir se remettre en question. Et maintenant, une petite page de publicité. Ça va ? Comme ça, répondre dans le vif du sujet. C'est dur de répondre dans le vif du sujet au tac au tac comme ça. C'est clair. Pas de temps à perdre, voilà. Expliquez-nous. Alors, pas de temps à perdre, ça consiste en quoi ? Ça veut dire que quand on a un souci avec son téléphone, son portable, eh bien voilà, en fait, c'est un nouveau concept qui est sorti, c'est financé par la gare. Donc ça va se retrouver dans toutes les gares. Et donc, on peut charger gratuitement notre téléphone, tout ce qui est à base, voilà, on n'a plus de batterie ou quoi, on peut charger notre téléphone. Et la seule chose à faire, c'est pédaler. Voilà, on pédale et c'est rechargé gratuitement et c'est aussi actif dans les aéroports à partir de maintenant. Je vois que t'as parlé de téléphone, mais c'est aussi rechargé tout son matos PC, t'as pas dit hein. Exactement, tout ce qui a base de batterie, on peut recharger. Voilà, et tu dis que ça a été conçu par la gare, tu sais en dire plus ou bien On nous a juste dit que c'était financé par la gare. Donc la SNCB, tout ça, mais nous a pas fait un autre briefing là-dessus. Vous, tu n'en sais pas plus. Je n'en sais pas plus, effectivement. Bah, c'est rigolo alors, hein, mais je vais prendre une photo, comme ça on pourra voir ce que c'est aussi. Donc c'est structure vélo quand même, il y a des pédales. Hein. C'est confortable et il ne faut pas faire trop d'efforts pour recharger sa batterie. Et on est à l'abri du mauvais temps. Voilà, on est à l'abri du mauvais temps parce que ça se passe dans la gare. Et tu dis que c'est amené à se reproduire, ce concept-là, dans les différentes gares. Qui t'a dit ça ? Eh bien, en fait, sur notre briefing, on a vu que nos autres collègues partaient à la gare du Midi, gare centrale, à gare d'Anvers, et nous, ici, à Namur. Donc, à mon avis, ça va devenir de plus en plus. Et pourquoi ça, en fait ? Tu es un peu au courant de... Mais pourquoi ? Parce que c'est écologique. C'est gratuit et c'est pratique. Oui, mais c'est marrant. Enfin, voilà. Franchement, le concept est génial hein, d'imaginer comme ça une énergie. Mais bon, ça recharge tout ce qui est matos vidéo, audio, en gros. Et quand on pense, par exemple, on n'arrête pas de dire qu'on est en crise et en machin et bazar. Est-ce que tu comprends quelque chose là-dedans ? Oui, c'est vrai que c'est la crise et en même temps, on met... des nouveaux matériels comme ça, des nouveaux concepts à disposition. Qui ne sont pas à tout public, en gros. Enfin, en grosse majorité quand même, mais il y a quand même une sphère de la population qui n'a pas tout le matos. Ils ont peut-être un PC à la maison fixe, mais pas forcément le portable, et blablabli, blablabla. Enfin, est-ce que tu vois un petit peu ma logique ? Oui, je comprends tout à fait la logique. Maintenant, je me dis que, imaginons si c'est des personnes qui ont un... Allez, qui, par exemple, les personnes à la rue, c'est déjà arrivé hein, d'avoir des... des personnes à la rue qui avaient des portables, enfin des téléphones. Et je me dis que c'est peut-être bien pour eux aussi. D'un côté, c'est vrai que ça touche quand même un peu tout le monde, hein, l'air de rien. Oui, parce que le PC et l'ordi et le téléphone, surtout le téléphone, on va dire, ça touche quand même pas mal de gens. Mais voilà, l'idée, elle est vraiment, c'est une géniale idée parce que c'est une énergie gratuite, quoi, ça, en pédalant que vous créez votre énergie. Ce serait chouette d'inventer un projet comme ça où vous pédalez, il y a une énergie et ça produit peut-être autre chose que recharger un téléphone, mais par exemple, je sais pas moi, une idée, ça fasse à manger, ou ça crée de la chaleur, ou ça crée, je sais pas moi, tu vois ce que je veux dire? Moi je dirais le soleil pour le moment. Très bon ça, ouais. Parti ici, en l'occurrence, il y a un monsieur qui vient d'essayer tout neuf, tout frais, le projet, quoi. Mais il s'appelle comment en fait le projet? Je reviens vers la dame. Walking Corner. Ça veut dire? Un espace de travail sur votre trajet. Ah, le travail. Dites-nous, monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, c'est pas trop compliqué, ça va bien, quoi. Ça permet en même temps, comme je disais à madame, ceux qui sont dehors de recharger leur appareil, quoi. Comme les SDF qui n'ont qu'un téléphone. Ok, mais là, vous regardez un film, vous? Oui, en même temps, oui. Et vous imaginez un monde où tout le monde regarde son film et est branché sur ses appareils, on n'est même plus... Ça fait de l'exercice en même temps, donc voilà, quoi. Zbling, zblang, voilà, on continue, donc on se retrouve à la gare, et ici, un monsieur qui essaye l'appareil tout frais, tout neuf. Qu'est-ce que vous pensez? En fait, l'appareil, je le trouve sympathique, quoi, parce que moi-même, en étant à la rue, j'ai eu un téléphone et j'arrivais pas à le recharger, quoi. Donc j'ai trouvé que le système est pas mal, quoi. Donc c'est mieux un téléphone qu'un truc à manger? Non, j'accumule les deux, quoi, mais plus à manger que le téléphone, quoi. Ah mais c'est rigolo, hein, le monde dans lequel on est ici, du moins, ça me fait comme un flash, quoi, voilà. Moi, je trouve ça super, l'invention, c'est-à-dire qu'on peut créer de l'énergie en gratuitement. Mais en pédalant et puis en faisant du sport en même temps, quoi. Oui, ça, c'est une géniale idée. Ouais. Après, pour la concevoir dans une gare et brancher tous ces appareils, je me dis qu'il y a peut-être plein d'autres choses, essayez de m'entendre, plein d'autres choses à mettre en place que d'abord recharger ces appareils, quoi. C'est que des appareils pour finir. Ouais. Si ça crée du lien, peut-être ça créera du lien. Peut-être que les gens qui se mettent là vont s'amuser à parler, puis ils vont se connaître et puis ils vont se revoir après, quoi. Ouais, j'y avais pas pensé. Bonne idée, ça. Et vous regardez un film, alors Oui, en même temps, oui. Et vous avez un train à quelle heure, là? Demain matin. Ah ouais, vous allez dormir ici alors? Je dors sur Namur pour le moment, ouais. Et vous regardez votre film dans la gare? Voilà. Donc je prends le temps. Et vous regardez quoi comme film? Bonne question. C'était un film d'action. Okay. Rien à rajouter? Non. Merci à vous. Même de rien. À la base, normalement, on doit l'avoir. Pour le brancher, il faut avoir du courant quelque part. Je disais à la base, pour le brancher, il faut du courant quelque part déjà. Pour le faire fonctionner. Mais non, évidemment, les gars! Puisque c'est une énergie, c'est l'énergie que vous faites en pédalant. Donc ce mobile, on va dire, on peut le retrouver dans la forêt, on peut le retrouver en pleine nature. Il faut que j'en ai chez moi, quoi, alors. Si vous avez assez de force, pourquoi pas? Je vais venir manger ma voiture électrique, alors. Il faut déjà en avoir une. Moi, j'en ai une. Une voiture électrique? J'ai une hybride, donc je vais essayer de venir la brancher. Tiens, ça m'intéresse, comment ça marche une voiture hybride? En fait, il faut la recharger beaucoup. Ça utilise beaucoup de courant. Moi, combien? Moi, je fais 50 km avec, donc tous les jours, il faut la recharger, quoi. Je la recharge toute la nuit. Et je fais que 50 km avec, donc c'est pas grand-chose, quoi. Ça, c'est... Et qu'est-ce que j'allais dire? Et vous parcourez 50 km, pas plus, quoi? Ouais, pas plus. Je pourrais faire plus, mais j'hésite parce que je sais pas trop en panneau en rue, quoi. Parce que si je tombe en panne au milieu du chemin, c'est pas l'idéal, quoi. On trouve pas encore des bornes partout, donc... Ah oui, vous rechargez à des bornes Ouais, je recherche à des bornes, mais on les trouve pas encore partout, quoi. Il y en a où, ici, là, à Namur, par exemple? Sur Namur, je n'ai pas encore trouvé. Bruxelles, alors? Bruxelles, sur les autoroutes de Bruxelles, j'en ai vu une ou deux, quoi, donc... aux stations essence, il y en a quelques-unes, quoi. Donc, sur les stations d'autoroute, j'en ai vu 7. Mais toutes les stations sont pas encore équipées, quoi. Ça, c'est bien dommage, quoi, parce que ça coûte moins cher qu'une voiture normale. Mais quoi, l'électricité que vous prenez, vous la payez pas quand vous rechargez? Non. Hein. J'arrive à la station, je branche ma prise et j'attends quoi. Ce qui me coûte le plus cher, c'est la consommation du café pour attendre quoi. Oui, mais c'est marrant ça. Au contraire d'une voiture classique, quand vous mettez du fuel dans votre véhicule, c'est vous qui payez. Là, en l'occurrence, vous rechargez votre voiture, c'est pas vous qui payez l'électricité non, quoi. Je la paye pas du tout. C'est, comme on dit toujours, c'est une société à part, donc c'est eux qui payent quoi. Une société à part. Oui, c'est une société d'électricité. Où il y a la borne. Voilà. Où il y a la borne, ils ont des avantages. Donc, je ne sais pas exactement comment ça marche, mais moi, chaque fois que je l'ai rechargé, on ne l'a jamais demandé un franc. Donc, Et quoi? Et ça coûte cher, je crois, une voiture électrique à la base, non? La mienne, je l'ai achetée 40 000 euros quand même. Sur les 40 000 euros, je n'ai pas la full option alors. Moi, tant que la voiture elle avance, c'est le principal, quoi. C'est 40 000 euros pour un véhicule, waouh, c'est pas mal, quoi. Moi qui m'achète des petites voitures d'occasion... Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai pris celle-là, mais il y a moins cher, quoi. C'est quoi la moins chère, pour commencer? La moins chère, on peut tomber sur 11 000 euros, quoi. 11 000, 20 000, ça dépend des prix, quoi. On dépend ce qu'on veut. Vous faites du combien kilomètres sur l'autoroute? Pas beaucoup, hein? Sur l'autoroute, je fais quand même 120. Ah ouais? Ah ouais, ouais, je fais quand même 120. On peut faire un peu plus, mais j'hésiterai, quoi. C'est plus vite on va, plus on consomme plus. Donc, l'électricité, ça va vite, quoi. Et quoi, quand vous dites que vous la rechargez toute la nuit, ça veut dire que vous laissez votre véhicule où il y a la borne? Comment vous faites s'il n'y a pas une borne près de chez vous? En fait, ce qu'il y a, c'est que je vais la recharger via ma maison, quoi. C'est des prises spéciales, adaptateurs spéciaux, quoi. À la base, c'est du 320 qu'on s'est réadapté sur le 280 de la maison, quoi. Donc, vous avez une espèce de secteur que vous branchez dans votre maison comme si elle emmagasinait l'électricité que vous allez après remettre sur votre véhicule, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Alors, et là, ça me semble logique que vous payez quand même votre consommation, du coup, puisque c'est votre électricité de votre maison. Celle de chez moi, oui, je la paye, mais quand je vais à la borne spéciale, je la paye pas, quoi. Ah ouais, j'ai compris. Ouais, je suis au courant de rien du tout là-dedans, donc j'apprends. Merci, hein, monsieur. De rien. Tiens, on peut aller s'informer pour avoir plus de renseignements sur ces voitures électriques, etc. Ça, je serais pas dire. C'est ma sœur qui a été l'acheter au départ, donc... Elle a acheté où? Je sais pas. Elle me l'a jamais dit. Ok, ça va. Merci. Mystère. Allez, c'est parti. Enfin, je suppose qu'on entend la musique de la cuisine, là. Hein. C'est un gros frigo. On dirait un petit essaim de bourdon, en fait, qui s'est incrusté dans la cuisine et qui fait un bon... Enfin, je crois qu'on l'entend déjà suffisamment comme ça. Ouais. Mais ouais. Ça colle bien avec la ruche, du coup. Ouais, mais c'est un peu pénible, quand même. Non, mais le bruit, maintenant, si les gens voyaient ce que c'était, ce bruit... Mais ça, quand tu dis que ça avait pensé à des abeilles et tout ça... C'est plutôt des bourdons, alors c'est des gros mâles, et du coup, à la ruche... D'accord. Tu peux un peu expliquer ce collectif, ici? Toi, ouais. Dedans, ou pas? Voilà, où on est, Toulouse... Mais à la base, en fait, on avait des potes, en fait, on se connaissait, on était à Voyelle, une émission de femmes sur Toulouse, avec des thématiques féministes et autres. Et on était trois à chanter dans la canaille du Midi Ensemble, qui est une chorale libertaire, anarchiste, révolutionnaire de Toulouse. Et on a eu plein de potes, en fait, qui sont installés. Il y a eu un mouvement de mise en colocation de potes. Et ça nous a donné très envie de partir ensemble dans une colocation. Et on s'est lancé là-dedans, en fait. En sachant que chacune, on venait d'un appart seul. Où moi, j'étais en colocation avec ma proprio, ce qui n'était pas toujours facile. Et du coup, voilà, ça... On s'est engagé dans l'aventure là-dedans. On a fait pas mal de réunions à l'avance pour savoir ce qu'on avait envie de partager, la manière de vivre ensemble, pour chercher aussi la baraque. Et pour nous, il fallait que chacune vraiment ait un espace personnel et que on a eu de la chance parce qu'on est tombé quand même sur une baraque où il y a un jardin qui est c'est pas le grand palace, mais on a un jardin qui est chouette et puis on a aussi le plan potager en fait qui est pour nous en fait c'est assez chouette. Ouais, c'est quoi l'idée de départ alors de vivre à plusieurs? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? C'est quoi l'intention de ça? Moi, je sais que je peux parler de ma place en fait. Parce que... Ah bah oui, évidemment. À la mienne, tu pourrais pas, je crois. Enfin, même, j'aurais du mal à parler à la place des trois. Ah oui, non, c'est que voilà. C'est pour ça que. Mais moi, j'ai beaucoup de mal avec la notion. Enfin. Moi, je suis très bien dans ma solitude et en même temps, j'ai besoin du collectif, en fait. Et je me sens bien que dans des cadres collectifs et à un moment donné, d'avoir une force ensemble, en fait, de pouvoir s'épauler, de pouvoir penser ensemble. Moi, j'ai l'impression que mon cerveau, il est trop petit pour pouvoir penser, enfin, pour penser seul en fait. C'est un truc tout con, mais j'aime bien la communication de plusieurs cerveaux ensemble, enfin de plusieurs êtres ensemble, et qu'on en tire des projets, qu'on en tire des espaces. Moi, je suis vachement dans des trucs d'expérimentation et de création. J'ai pas mal de pratiques artistiques, entre guillemets. Et voilà, mais j'aime. Par exemple, je fais de la flûte avec, mais je supporte pas jouer seul. Pour moi, c'est quelque chose qui se partage, en fait. Et moi, la vie, je la vois comme un partage, en fait. C'est dans ce partage avec les autres, en fait, qu'elle a du sens. Enfin, ouais, en gros, on n'est pas fait pour vivre tout seul non plus, quoi. Bah, à un moment donné de ma vie, j'ai hésité à vivre seul, mais vraiment seul, en fait, en ermitage. Ah ouais? Ouais. Allez, explique-moi. Ouais. En quelques mots. J'ai vécu dans des zones rurales où j'avais pas du tout de liens sociaux qui me satisfaisaient en fait. Je suis gouine et juste dans la campagne rurale et c'est pas du tout bienvenu. Ou en tout cas pas dans des cadres hors communauté. Il y a pas mal de trucs comme ça qui fait que je me suis sentie très seule en fait, ou à un moment donné aussi la parole elle m'a été très difficile, très douloureuse en fait. J'avais plus du tout confiance à cette notion de parole et du coup je me disais bah quitte à vivre seule, fais-le vraiment. Et puis par exemple c'est une période où j'ouvrais la radio, j'écoutais les actualités politiques, ça me faisait péter les plombs et je sentais que j'étais complètement puissante parce que j'avais pas ces liens sociaux en fait qui me permettaient d'agir politiquement. Et du coup, j'éteignais la radio, mais je me disais, mais va jusqu'au bout de ton truc, bah, tu t'installes en ermitage. Enfin, et je ne l'ai pas fait parce que je pense que ce n'est pas dans ma nature profonde. Mais Ouais, ça peut faire peur aussi, hein, de se retrouver tout seul en haut de la montagne. Mais donc, tu avais cette intention, mais tu n'as pas agi concrètement pour aller dans cette direction, quoi. Non. Mais tu avais cette intention. Ouais. Et du coup, bah, la solitude, moi, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Mais en même temps, c'est ce que je disais, le sens de la vie, pour moi, c'est dans ce partage, dans pouvoir expérimenter ensemble. Pour moi, la ruche, par exemple, c'est un lieu d'expérimentation, dans le sens que il y a des choses qui nous posent problème dans notre quotidien, vivre ensemble. On va chercher des solutions ensemble pour en sortir. Si ça nous va pas, ça nous va pas, mais et on fera autre chose, en fait. Mais c'est pas grave. Et quel genre de problème il pourrait y avoir à la ruche? Un exemple pour qu'on comprenne. Moi, j'aime bien les exemples. C'est vachement terre à terre, mais c'est un. Bah oui, évidemment, évidemment. C'est un problème récurrent, c'est le ménage, par exemple. C'est comment est-ce qu'on s'implique dans la maison? Et comment est-ce qu'à un moment donné, notre implication, elle est visible ou invisible, en fait? Je l'ai fait, tout le monde. Tu le fais aux heures de pointe quand tout le monde rentre. Comme ça, c'est visible. Ouais. C'est ça. Et moi, je sais que. C'est des choses, effectivement, j'ai eu du mal à m'y mettre dedans. On en a parlé et je me suis remise dedans, en fait. Moi, j'aurais plutôt envie de proposer des choses plutôt dans la part créative, sur faire des ateliers de lecture ensemble, faire des ateliers d'écriture ensemble. J'aime beaucoup la dimension musique qu'il y a ici, en fait, même si je trouve que malheureusement, c'est pas assez souvent. Mais ouais, c'est toutes des gonzesses qui jouent pas mal de musique, quoi. Hein. Ouais. Ça, hein. Ouais. Batterie. Batterie. Piano. Basse. Guitare, basse. Moi, je fais de la flûte. Enfin, ce que je disais. Et bon, je suppose que t'es bien ici, mais bon, ça va pas durer non plus, parce que... Est-ce que c'est en attendant? Est-ce que c'est une manière de vivre? Ça, c'est une chose. Et puis, est-ce qu'il y a des projets aussi en dehors? Est-ce que vous faites des projets aussi en dehors de la ruche, ensemble? Puis toi, tu travailles aussi? Ouais. Moi, mon intention dans ma vie, c'est de continuer à vivre en collectif. Vraiment. Enfin... Et... Il y a des notions, par exemple, la ruche, c'est non mixte, oui, en fait. Enfin, c'est une réalité, c'est... Et je pense que c'est choisi, en fait. Moi, ça me va très bien, en fait. Et collectif... Alors, je parle de ça parce que des fois, je me demande l'intérêt de pouvoir vivre avec des gens qui ne nous ressemblent pas vraiment. Je pense qu'on est très différentes les unes des autres. Et que c'est une vraie richesse. Mais je sais plus sur quel fil conducteur j'étais dans ce que je disais. Moi, j'ai envie de tiquer. Tu dis que c'est non mixte et Gwyn. C'est comme ça. Tu revendiques ça à la ruche. C'est ça. C'est ouais. Non mixte et Gwyn. Enfin, queer plutôt, je dirais. Tu dis plutôt. Enfin, même si tout le monde se définit pas comme queer, mais c'est plutôt une maison queer en fait. Mais moi, j'y connais rien. Mais ça veut dire quoi queer? C'est canapé queer. Qu'est-ce que ça veut dire queer en fait? Queer, c'est quand ça s'assume dans notre étrangeté, effectivement, qu'il y a une notion de genre qui est complètement explosée, que... Parce que c'est ça aussi en fait, la ruche. C'est... Enfin, moi je comptais pas spécialement en parler, mais voilà, je donne la parole à tout le monde. Et toi, ça a l'air d'être important ça aussi, c'est-à-dire que c'est... Tu expliques que c'est, comment t'as dit? Mon mix queer? Non mixte. Gwyn. Gwyn, voilà. Bon, en fait, c'est juste une réalité. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est non mixte féministe, en fait. Avant tout. Après, si les personnes... Enfin, moi, l'étiquette, elle me pose problème, en fait. Du coup, si les personnes ne se définissent pas comme ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vivre avec des gens qui sont pas... Enfin, des mecs, par exemple, je pourrais pas. Non, vraiment, je pourrais pas vivre avec des mecs. Elle est trop marrant. Surtout ça. Surtout des mecs hétéros, je pourrais pas en fait. Pourquoi? Ce que j'ai déjà fait et que ça me va pas. Parce que. Mais explique, essaye d'expliquer pourquoi, quoi. L'énergie, le machisme. Parce que les oppressions de genre, elles sont super récurrentes. Parce que. Il y a une bienveillance que je ressens pas dans les milieux mixtes. Moi, j'ai quitté mes activités militantes à l'extérieur qui étaient en mixité. Parce que vraiment, enfin, les grandes gueules de mecs, je supporte pas ça, en fait. J'ai envie de les entarter. Bah, il faut les faire taire. Comment veux-tu changer le monde, mais alors? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de les faire taire et pourquoi ça devient un combat? Moi, tu vois, enfin, tu me parlais de mon boulot. Je crois que la vie, c'est un combat, quoi. Moi, je crois que sinon... Je suis d'accord, mais on peut pas être sur tous les plans, en fait. On peut pas combattre sur tous les plans. Pour moi, c'est qu'à un moment donné, t'as besoin d'espace... Où t'es bien en fait, juste t'es dans une bienveillance et que ce cadre-là, c'est un cadre qui te va en fait. Et moi, je recherche ça. Après, j'ai des combats. Enfin, tu me parlais de mon boulot. Moi, dans mon boulot, je suis super. Enfin, vraiment, j'essaye d'être engagée et de travailler avec mes convictions au maximum. Ce qui m'a coûté des choses assez terribles en fait dans ma vie. Mais je veux pas combattre sur tous les fronts. Et je veux avoir des espaces où je n'ai pas à combattre. Parce que sinon, enfin. Sinon, si tu la sentais, en fait, enfin, à un moment donné, pour ben moi... Je suis bien d'accord, mais par exemple, est-ce que tu penses que... Ben voilà, le genre dans notre monde, là, c'est masculin, féminin. D'ailleurs, on a du masculin et du féminin à l'intérieur de soi. Est-ce que tu penses que... Ben voilà, que les mecs, ils sont tous cons, par exemple, qu'il n'y en a pas un ou deux, ou même trois qui vaille la peine d'être rencontrés, qui sont pas tous formatés pour être... Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas ce que je dis, en fait. Ce que je dis, c'est que je veux pas vivre avec eux. Après, ça, moi, mon meilleur pote, c'est un mec. J'ai conscience aussi de ces mesures de... C'est son éducation en tant que mec, en fait. Qui est une vraie réalité, enfin... Parce qu'il y a des gonzesses qui sont connes, hein, on est d'accord? Ah, mais il y a des gonzesses à qui je vivrai jamais non plus, en tu fait. Tu connais Barbie, quoi. Il n'y a pas que Barbie, malheureusement. Non, mais c'est un exemple. Je veux dire, l'image de la femme véhiculée aussi dans notre société, des fois, elle est... elle pose question, quoi. Elle, Mais c'est pour ça que moi, ce qui m'intéresse, c'est la notion d'explosion des genres. Après, vraiment, enfin... Moi, cette non-mixité, elle m'intéresse vraiment aussi. Et je m'y sens bien. Et je m'y sens bien parce que j'ai l'impression que c'est un lieu... C'est pas une non-mixité, je vivrais... ce serait que... N'importe quelle meuf. Non, c'est à un moment donné, c'est juste... C'est juste que... Enfin, moi, mes colocs, je les vois pas en tant que femme, par exemple. Je les vois en tant qu'individu et en plus des personnes qui travaillent vachement au niveau de leur genre, en fait. Toutes, enfin... Ben voilà, enfin, moi, ce que je trouve intéressant dans votre ruche, là, puisque je débarque, que j'ai envie de donner un peu la parole, pas longtemps, un peu sur les gonzesses qui sont ici, c'est que c'est génial, ça sort un peu des clichés, hein, de la gonzesse qui est dans sa cuisine, avec sa petite jupette et son rouge à lèvres et son vernis. C'est ça que je trouve intéressant et ça fait du bien, quoi, de se dire, waouh, les gonzesses ici, c'est pas que ça, c'est même pas du tout ça. Voilà. Et d'ailleurs, on a fait, on en parle pas mal, enfin, je sais que c'est un sujet qui est récurrent pour nous. Moi, par exemple, je me suis déjà posé la question de la transsexualité et c'est un truc... Dans ma vie actuelle, c'est pas vraiment très fort, mais il y a des moments où c'est super fort, mais dans le sens que moi, je suis pas une femme. T'es quoi ? T'es qui ? Enfin, T'es cul ? Je suis moi, en fait, enfin, c'est tout. Et cette éducation de femme, où, moi, la réassignation en tant que femme, quand... Au clown, hier soir, il y a un mec, il est arrivé, il a serré la main à tous les mecs, moi, il m'a fait la mise, mais d'où ? C'est quoi cette différenciation ? C'est quoi ? Enfin, c'est insupportable, en fait. Et ce que j'aime ici, en fait, c'est que ça, c'est pas posé. Ça n'existe pas ici, en tout cas. Moi, je ne vois pas une image de femme et je vois pas mes colocs, enfin, je vois pas les personnes avec qui je vis comme des femmes, en fait. Et voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, quand je parlais de non-mixité, Gwyn, même si Gwyn, en fait, peut-être qu'il y en a qui portent pas cette étiquette-là sur elle. Mais moi, j'aime pas le mot Gwyn, c'est moche. Les Gwyn rouges révolutionnaires. Gwyn, c'est un drôle de mot. Mais donc voilà, petite présentation de la ruche fait par... Myrène. Mm. J'ai envie de faire du grommelot, mais ça ressemble à rien du tout. Donc du quoi t'as dit? Du grommelot. C'est Zorauta, Takaota. Vraouta, patate bota, patate bota, oh oh, non.